Parce que la vie a toujours eu un côté nuit, un côté jour. Toujours après t'avoir fait pleurer, elle essuie tes joues. À moitié pleine, à moitié vide, elle est le mélange des deux. Le sort n'est pas irréversible, ça va de mal en mieux. Parce que la vie est une balade dans des sentiers battus. Un jour tu baisses ta garde, le lendemain tu t'en sépares plus. Le moral en temps de scie, souvent se casse en deux. Mais tout au loin t'entends dire, ça va de mal en mieux. En solo comme Yann, j'déture la plume d'un Cheyenne. Des vieilles peines qui traînent mais qui ne tiennent pas les rênes. J'envoie la sauce au dodane qui me freine dans ma course. Comme si des hyènes veinent m'oisillaient de s'en prendre à l'ours. Mais j'me démène tellement qu'en fait j'ai fait du surplace. Ce sont l'effet d'une belle plante et pense à mes futures traces. Celles qu'on laisse même tenues en laisse célèbres. Au centuple quand tu décris des cercles, tes cercles du point de vue étendu. Ou bien gère sans but et calcule mes battements de cœur défendu. J'me suis rendu à l'évadance, le poids d'une enclume se résume à tes défaillances. Comme un toc sans cure, après la chute y'aura l'écrasement. Légalement à contresens, je m'exécute sûrement. S'il y a un mur, je fonce dedans, j'aurais dû être mutant. La différence c'est qu'on se ressemble, contenu percutant. Avec des fissures dans le contenant. Et si ça continue, moi je me laisserai pas faire. Ces paroles lourdes de sens servent à alléger ma peine. Ouais, si ça continue, moi je me laisserai pas faire. Ces paroles lourdes de sens servent à alléger ma peine. Parce que la vie a toujours eu un côté nuit, un côté jour. Toujours après t'avoir fait pleurer, elle essuie tes joues. À moitié pleine, à moitié vide. Elle est le mélange des deux. Le sort n'est pas irréversible, ça va de mal en mieux. Parce que la vie est une balade dans des sentiers battus. Un jour tu baisses ta garde, le lendemain tu t'en sépares plus. Le moral en temps de scie, souvent se casse en deux. Mais tout au loin t'entends dire, ça va de mal en mieux. Éternel adolescent refusant d'enfanter l'adulte. Entraînant mon mal-être à milieu des sentiers battus. Comme un coup de colère qui se tempère. Pour retrouver le calme qui précède la tempête. Des pistolets j'ai entrepris en azimut. À travers tout le grand nord pour me joindre à la rive sud. En chemin reliant la caresse au coup de poing, j'ai perçu le festin qui se cache en chaque bout de pain. Les nuages ont livré un dernier soupir et l'azur esquissé un premier sourire. Croisant alors un regard aux couleurs du grand matin dans les yeux des fonds marins. Je sais qu'au prochain tourment je devrais prendre la voie du pèlerin. S'éloignant des guerres d'hier pour trouver la paix demain. Celle qui rend au cœur de pierre leur côté précieux. Comme rappelant à la terre la beauté des cieux. Parce que la vie a toujours eu un côté nuit, un côté jour. Toujours après t'avoir fait pleurer, elle essuie tes joues. À moitié pleine, à moitié vide, elle est le mélange des deux. Le sort n'est pas irréversible, ça va de mal en mieux. Parce que la vie est une balade dans des sentiers battus. Un jour tu baisses ta garde, le lendemain tu t'en sépares plus. Le moral en temps de scie, souvent se casse en deux. Mais tout au loin t'entends dire, ça va de mal en mieux. Toujours de mal en mieux, toujours de mal en mieux. Du haut en bas, Léopas, et enfant de Morphée. On continue la marche, l'ami.